J'aurais voulu être un artiste. Mais je suis qui ici? Lyrique, c'est frisite, purisme, scarochite. Antinopéniste, explose du corps comme tous ces terroristes. Wow, ce soit la vie pour mon ghetto français qui abrite mes potes hardcore. Ceux qui se lèvent juste pour cuisser. Dans ces jungles urbaines, c'est d'un mythe en mer humaine. Les petits shoots sur des sacs et tombent pour un Calvin Klein. Envahi, comme quoi ma queue je l'ai fait. Pourtant j'ai beau leur dire que je désire qu'un douce et un pack d'NK. Donc j'engraine les chiens chiennes à s'unir afin de punir leur empire dans lequel on n'a pas d'avenir. À part pourrir en cause à cause d'un kilo de touch ou à cause d'un îlot de drone se prenant pour Starsky Hatch. Voici le pont qui paiera, rime viol, etc. Tu connais des milliers de bornes, tu nous verras. Paye en liquide et tu nous auras. T'aspect, tu nous aimeras. Si t'aimes le liquide comme Lil Kim, Flo, Beretta, bon Dieu avec une barrette. Le son qui te frappe dans la tête avec une barre. C'est dard, quelques beats veulent cohabiter dans le son. Avec moi ou ma clique, mais tout ce que tu vas faire, c'est un featuring avec ma beat. Je récite le chant des civières. Cet hiver c'est la merde, je vois tous les crocs lestés au fond d'une rivière. Moi j'ai pas une voix de miel, j'ai pas d'email, je torpille. L'industrie j'paye, fonctionne à la master. Oh non beat. Mes animaux, j'crée le scandale. En fait je pollue comme total. Tous ces élus à deux balles, car on aura que dalle. Autant transporter de la taupe dans le cul d'un cheval pour réinvestir dans le hip hop animal. J'crée le scandale. En fait je pollue comme total. Tous ces élus à deux balles, car on aura que dalle. Autant transporter de la taupe dans le cul d'un cheval pour réinvestir dans le hip hop. Vous vous niquez dans l'industrie du disque avec des lyrics district. Kiki l'arbitre, récupérer tous les titres. Mais ça m'intéresse pas. Préfère me faire du fric dans le rap. Sans plus c'est mon franc, vu des boîtes ringuent en frac. J'ai pas envie qu'une bande de timbrac. Pour mon fric et les lyrics que j'éclate. J'veux que mon rap se vende à 4 millions d'exemplaires. Et mettre au frichal, Massi, Brahim, Jean-Pierre. Il me faut de la maille avant qu'on m'enterre. J'ai pas envie qu'une boîte de bouffons me fasse leur putain de commentaires. J'ai que 16 piges, j'suis jusqu'à un mot. Qui veut voir la concurrence avec de putain de gros hématomes. Eh ouais, c'est ça, on va tout péter. C'est pour le frac qui toute l'année se met à cricter. Il est ici dans mon quartier. À tous ces porcinés, ces garçonnés qui comme au ciné dégainent leur gun pour pouvoir caler. Et ils se prennent pour des grands bonnets. Mais moi je leur pisse dessus. Et après avoir pilonné, moi je viens tamponner. L.I.M. sur la face de Fion. Car c'est violent comme le fond rouge. Donc un deck à ton gros vent. Paris que Paris ceinture, trop de son, beaucoup trop son. 92 et caricature, mais suis beaucoup trop sombre. Toute la chanson. Piston, j'mutile, rien d'inutile. Moi je gagne. Amateur de champagne, arracheur de pagne. J'suis arrivé dans le son, trace la guerre dans mes morceaux. Et si j'me fais canner, pas besoin d'en faire une chanson. Déconseillé aux gens dissensibles. Voyez, tu peux s'étendre. Sur mon son, suis des dissidents. Non, pas d'ici, enfant d'ici. Man, pas besoin de te faire un dessin. Par les décibels, on décime. Un truc à la mainstream. Ghetto, genre Grand Dakar ou la Médina. Rouille en balance un peu de chiche, on dans ma chicha. J'écris des 12, des 16, beaucoup des 7 garçons. Donne-moi à boire, j'veux la gloire sans la rançon. Au nom de mes animaux, j'crée le scandale. En fait, j'pollue comme total. Tous ces élus à deux balles, car on aura que dalle. Autant transporter de la dope dans le cul d'un cheval. Pour réinvestir dans le hip-hop animal, j'crée le scandale.